Vous êtes-vous senti déjà perdu dans un monde où tout n'est que flou, dans une tristesse flottante dans l'air? Voyez des gens qui aiment chanter ces airs de la souffrance. Voyez-vous, je me sens perdu. Pourquoi durer alors que je me sens sans suite? Je suis monté barbu au-dessus d'une tour. Je suis monté barbu au-dessus d'une tour. J'en suis revenu déçu de m'avoir fait un tour. Voyez-vous, vivre c'est pas toujours bien. Je me suis senti ivre et j'ai fait le malin sur le rebord de la tour. J'ai failli m'envoler et j'aurais pourri un jour de pluie grise sans bouée. Je suis monté barbu au-dessus d'une tour. Je suis monté barbu au-dessus d'une tour. J'en suis revenu déçu de m'avoir fait un tour. Je suis monté barbu au-dessus d'une tour. Je suis monté barbu au-dessus d'une tour. J'en suis revenu déçu de m'avoir fait un tour.